Ouais. Bienvenue au monde où les meilleurs crèvent, les premiers où les rêves gisent comme des SDF sur pavé. Les poches vides comme les caisses d'un bleu de country. Le genre blesse donc les tests restent meurtris. Tu prends un peu de fraîche, ouais j'suis pas une resta. Ouvre les yeux, les buts graveurs de faucheux squat. J'mate les gens faire un tas de chichi. En temps de crise les amis se font rares comme un black VC. Millésime brut, mon rap n'est que stress. Car mon salaire brut se change en salaire net. On veut la même chose, le nerf de la guerre. Le paradis en enfer, c'est une liasse de billets verts, ouais. Dans ma tête tout se bouscule. Les anges deviennent des crapules à l'heure du crépuscule. Les vieux que proposent les tâches, prends la pose, combat. La prose du bibi que je pose résume notre mental. Vandale comme le blaze du putain de ce que j'ai. Mes rôles poids sont formels, trop de mailles en courtise. Les man aux âmes damnées, les putes dans les covas. J'éteins ce propos jeu déguisé en billets mauvais. Mauve. Ok. Et j'éteins ce propos jeu déguisé en billets mauvais. Mauve. Ouais, et j'éteins ce propos jeu déguisé en billets mauve. Mauve. Un dicton perso. Ouais, ouais. Quartier rouge SRI. Ha ha.